Laisse-moi t'expliquer. Assis-toi un peu, t'es fatigué. Tu vas bien m'écouter, je ne mâche plus mes mots. Alors même si ça fait trop, que tu te sens badigeonné, que tes mains fourmillent, laisse-moi quand même terminer. J'ai rien, je n'ai pas changé, non je n'ai rien touché. Après ton départ, j'entends ce train qui siffle loin. Et tu n'es pas si bien, mais tu ne dis rien, rien. T'es parti bien trop tôt, c'est moi qui te le dis. Pourquoi avoir dit oui là-haut, alors que t'avais rien fini? Ils m'ont tout caché, j'ai rien vu, rien entendu. Je l'ai si mal deviné. Tu sais mon bien, ils l'ont voulu. J'ai donc arrêté de croire, refusé de grandir, d'accepter l'espoir. Les autres, ils n'en savaient rien, ils m'ont même pris pour un faux rien. Alors j'ai grandi quand même, avec ce mal au cœur et ce blasphème. C'est dingue comme ce fichu problème m'a donné ce fichu pouvoir de ton âme, d'avoir ton âme en emblème. Mais j'entends ce train qui siffle au loin. Mais tu n'es pas si bien, mais tu ne dis rien. J'entends ce train qui siffle au loin. Et tu n'es pas si bien, mais tu ne dis rien. Ne dis rien. Tout ça, c'est vrai, c'est du passé. Mais tout ça n'est pas encore effacé. Et si tu crois que ma cervelle va lâcher, qu'elle va faire disparaître mon enfance, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Je n'ai rien, non, rien oublié. Même si je divague, tu vois. Bien, tu le sais ce que je pense, hein, tu le sais. Tu m'avais chanté, tellement raconté, tu sais, l'espoir, l'amour et la réussite. J'ai toujours, tu m'entends, toujours tout gardé, de tes mots, de ta voix, dans mon oreille d'enfant. Dans mon oreille d'enfant. Sans toi.